espérer que ces jours resteraient à jamais. L'amour ne pourra rien changer, je resterai là sans bouger. Avant que tu fermes les yeux, je partirai sans un adieu. Je ne ferai rien aujourd'hui. C'est à ça que j'aspire. Personne à aimer, que ces nuits sont bien terminées. Il faut partir sans se retourner, pour oublier à jamais. Mais reverrai-je encore l'automne, la nuit, le jour où tout frissonne.